Le soir même de son départ, Edmond Morand, pendant une halte, eut l'occasion d'écrire quelques mots à sa femme, et dans cette lettre se trouvait le passage suivant. « Maintenant, ma bien-aimée Louise, il s'agit de rendre service à un honnête homme, à un père cruellement inquiet du sort de sa femme et de ses enfants. J'ai parmi mes compagnons de route et d'exil un journalier de notre département nommé Sylvain Poirier. La confiance a été vite établie entre nous. Tous deux nous avions de vieux parents, une femme et des enfants bien-aimés. Mais lui, moins heureux que moi, n'a pu goûter les joies amères des adieux. Il a tout lieu de craindre que sa femme, dans un état de grossesse avancée, ne soit gravement malade. Elle craint aussi pour la santé de son père, vieillard de 75 ans. Il ne savait à qui s'adresser pour recevoir des nouvelles certaines de sa famille, la maison qu'il habitait étant très éloignée de sa commune. Puis la terreur est partout si grande qu'il croit, non sans raison, que ceux à qui il pourrait écrire ne lui répondraient pas. Je te prie donc, ma bonne et adorée Louise, dès que tu auras reçu cette lettre, et si la santé de notre bonne mère te permet de t'absenter pendant quelques heures, je te prie donc de te rendre au village de Lailly. Ce petit village, traversé, tu suivras toujours la grande route pendant une demi-lieue environ. Tu verras une croix plantée à un endroit où la route fait un coude, et à environ 20 pas de cette croix, à gauche du chemin, tu trouveras la maison de M. Sylvain Poirier. Tu ne saurais te tromper. Cette habitation est isolée de tous côtés. Tu entreras dans la maison et tu te renseigneras par toi-même sur la situation de la famille de mon compagnon d'exil. C'est un homme d'un caractère assez ferme pour désirer savoir la vérité, toute la vérité. Si pénible qu'elle puisse être, elle est encore préférable à l'incertitude. Tu m'écriras donc le plus tôt possible, toujours à Brest poste restante, le résultat de tes renseignements, et je les communiquerai à M. Sylvain Poirier. Tu diras à sa famille qu'il se porte bien et que sa blessure est en voie de guérison. Cette lettre reçue, Louise répondit ainsi. Décembre 1851. J'ai baisé 1000 fois ta lettre inattendue, mon Edmond. Je n'osais espérer avoir si tôt de tes nouvelles. Grâce à Dieu, elles ont été favorables. Tu n'as pas trop souffert des fatigues de la route. Je t'apprendrai tout d'abord que bien que notre bonne mère soit toujours d'une extrême faiblesse, son état s'est encore un peu amélioré. Le médecin continue surtout de recommander l'absence d'émotions vives. Un régime assez sévère mais réconfortant, du bouillon très réduit et un peu de vieux vin de Bordeaux. Malheureusement, il a prescrit cette ordonnance devant ta mère. « Je ne veux pas de vin de Bordeaux, » a-t-elle dit. « C'est trop cher pour nous. » « Ma bonne mère, le mal est fait, » lui ai-je répondu. « Monsieur le docteur m'avait parlé de cela hier et le vin est acheté. » Je me suis résigné à ce petit mensonge afin de calmer les scrupules de ta mère. D'ailleurs, son état, j'aime à te le répéter, s'est encore sensiblement amélioré, malgré la légère fatigue que lui a causée notre déménagement. Car nous sommes établis, depuis ce matin, dans notre nouveau logis. J'ai trouvé au bain une chaise à porteur, bien close. Nous l'avons garnie d'oreillers, et l'on a pu ainsi transporter notre bonne mère, chaudement enveloppée, jusqu'au palier de notre appartement. Nous l'avons ensuite placée dans son fauteuil, et ainsi portée jusqu'à son lit, où elle a reposé presque aussitôt très paisiblement pendant 3 heures. Juliette, ne va pas, mon amie, t'alarmer. Juliette a eu un peu de fièvre cette nuit. Mais, nous a dit le médecin, c'est seulement une fièvre de courbature. La chère enfant m'ayant aidée, peut-être un peu au-delà de ses forces, hier et avant-hier, à nos préparatifs de départ, et aujourd'hui à tout mettre en ordre en arrivant ici. Mais 2 ou 3 jours de repos la rétabliront. Le médecin a seulement ordonné la diète, de la limonade cuite et des bains de pied parce qu'elle s'est plainte d'un assez violent mal de tête. Ainsi, mon ami, ne t'alarme pas. Je t'ai promis d'être franche. Juliette, à peine indisposée, n'est que courbaturée. À l'heure où je t'écris, 11 heures du soir, elle dort profondément, comme son frère à quelques pas de moi. Je veux, ainsi que je l'ai promis, te décrire notre nouveau logement, afin que de là-bas, tu nous vois ici. Nous habitons le 3e et dernier étage d'une vieille maison assez délabrée. Nos chambres ne sont pas mansardées, bien que la pente du toit avoisine les fenêtres. On entre d'abord dans un cabinet éclairé par un jour de souffrance. Ce cabinet communique à la pièce que j'occupe. Celle-ci est assez grande et son papier gris à petits bouquets jaunâtres n'est pas mal propre. Le sol est carrelé. À gauche de la porte s'ouvre une fenêtre d'où l'on voit les murs et les toits des maisons voisines. En face de cette croisée se trouve une autre porte. C'est celle de la chambre de ta mère. De chaque côté de cette porte, il y a une alcôve. Dans l'une, j'ai placé mon lit et celui de Juliette, et dans l'autre, le lit d'Albert. J'ai garni la fenêtre avec les rideaux de perse verte et blanche de notre ancienne salle à manger. L'ameublement se compose de notre commode, de notre secrétaire, de la grande armoire de noyer, d'une table et de quelques chaises. J'ai, je te l'ai dit, vendu le reste de notre mobilier. La chambre de ta mère est un peu moins grande que la nôtre et exposée au levant. Elle a vue sur un jardin. Le lit fait face à la cheminée. La croisée est en regard de la porte. Le papier bleu, à rayures d'un bleu plus foncé, est assez frais. Près de la cheminée, le grand fauteuil de ta mère. À côté, le guéridon d'acajou, sur lequel sont placés d'habitude son panier à ouvrage, ses lunettes et ses livres. Devant le fauteuil, son tabouret. À droite de la petite glace de la cheminée est suspendu le portrait de ton père. À gauche, ton portrait, à toi, lorsque tu étais enfant. Et au-dessous de chaque cadre, le secrétaire d'un côté et la commode de l'autre. Enfin, dans l'angle et près de la croisée, le petit bureau dont notre bonne mère se sert pour écrire. En un mot, mon ami, sauf le jardin de plein pied et la différence de tenture, figure-toi absolument les mêmes dispositions que dans la chambre qu'occupait ta mère dans notre ancienne demeure. Elle retrouvera, du moins ici, toutes ses habitudes, chose si précieuse à son âge. Maintenant que de là-bas tu peux nous voir ici, je te dirai quel sera l'emploi de nos journées. Au point du jour, nous nous lèverons, les enfants et moi nous ferons le ménage, et ensuite je m'occuperai de leur toilette. Puis nous irons dire bonjour à ta mère. Je leur donnerai leur leçon du matin près de son lit. Nous en sommes convenus avec elle. Cela la distraira. Nous déjeunerons de café au lait, seul repas préparé à la maison, et ces préparatifs seront une petite récréation pour les enfants. Ils descendront ensuite jouer dans la cour, qui malheureusement est sombre et étroite, mais enfin ils y prendront l'air et pourront y faire un peu d'exercice. Pendant ce temps-là, je m'occuperai de notre bonne mère. Je mettrai sa chambre en ordre, je ferai son lit comme elle aime qu'il soit fait. Les enfants travailleront avec moi, de nouveau, jusqu'à 3 heures. Ils iront encore jouer dans la cour jusqu'à la nuit. Le traiteur nous apportera notre dîner à 6 heures, et pendant la soirée, nous nous occuperons, Juliette et moi, des travaux de couture que l'on m'a promis, tandis qu'Albert s'amusera, selon son habitude, à dessiner ou fera quelques lectures à sa grand-mère. Notre entretien, tu le devines, roulera toujours sur toi, sur nos souvenirs, sur nos regrets, sur nos espérances. Il ne nous est pas, je crois, défendu d'espérer. Enfin, à 9 heures, je coucherai les enfants, et je resterai près de notre bonne mère jusqu'à ce qu'elle veuille dormir. Alors je rentrerai dans ma chambre. J'embrasserai Juliette et Albert, et comme toujours, mon Edmond, tu auras ma dernière pensée. Voilà quelle sera notre vie. Ai-je besoin d'ajouter que ni ta mère, ni moi, ni les enfants, nous ne regrettons en rien notre aisance passée. Tu nous disais toujours avec sagesse, pour être satisfait de notre sort, regardons non pas au-dessus, mais au-dessous de nous. Plus que jamais nous sentons la vérité de ces paroles. Si nous n'avons plus le superflu, du moins nous avons le nécessaire. Et combien en est-il qui, plus à plaindre que nous, manque du nécessaire? Hélas, moralement, notre nécessaire à nous, c'était toi. Enfin, tu verras, mon ami, à cet endroit de ma lettre que j'ai pleuré. Oui, je l'avoue, j'ai longtemps pleuré. Mais ni ta mère ni les enfants ne m'ont vu. Ils dorment, et j'évite toujours, autant qu'il m'est possible, de pleurer en leur présence, afin de ne pas augmenter leur chagrin. Bonsoir, mon ami. Je ne ferme pas cette lettre. Demain, je louerai une voiture, afin d'aller, selon tes indications, chercher les renseignements relatifs à ton compagnon d'exil. Juliette sera, je n'en doute pas, en état de m'accompagner, ainsi qu'Albert. Ce sera une distraction et une promenade pour nos enfants. J'espère à mon retour avoir de bonnes nouvelles à te donner au sujet de la famille de M. Sylvain Poirier, qui, d'après ce que tu me dis de lui, est digne d'inspirer un vif intérêt. Encore bonsoir, mon tendre ami. À demain. Il est 8 heures du matin, je sors de la chambre de ta mère. Sa nuit a été calme, mais celle de Juliette a été agitée. Elle a eu un redoublement de fièvre vers 2 heures du matin. Elle se plaignait d'un violent mal de tête. Elle avait une soif ardente. Je lui ai plusieurs fois donné à boire. Puis elle s'est assoupie, et ce matin, elle dort si profondément qu'elle ne m'a pas entendu me lever. Tu le vois, mon ami, il n'y a rien d'absolument inquiétant dans son état. Cependant, je renonce à mon projet de l'emmener ainsi que son frère. Il s'agit d'un trajet de près de 12 lieues en voiture. Le temps est sombre et froid. Je crains la fatigue pour cet enfant déjà indisposé. Elle restera donc à la maison avec Albert et ta mère. Le hasard a amené ici Honorine ce matin. L'excellente fille ne peut pas se déshabituer de nous, comme elle dit naïvement. Elle m'a demandé en grâce de lui permettre, en attendant qu'elle fût placée, de venir tous les jours passer avec les enfants le temps de leur récréation. Elle demeure provisoirement chez sa tante et ne sait, dit-elle, que faire de son temps. Pauvre fille, je le comprends, elle est si active, si laborieuse. J'ai accepté son offre et aujourd'hui elle restera toute la journée près de notre bonne mère. Je pourrai ainsi m'absenter sans crainte pendant quelques heures. Je vais partir. À tantôt, mon ami.